chrysalide. Ok. Poussière de MC. Chrysalide. Ok. Poussière de MC. Poussière de MC. Poussière de MC. J'ai déclenché les hostilités, une nuit de carême. Depuis ce jour où je dis oh, ce que je crache sur cahier. Carburant à l'air pollué, vois de quoi je suis taillé. Seul Dieu sait, le reste ne fait que supposer. Sur un nid de coucou, mon B-52 s'est posé. Aujourd'hui je sais, le pouvoir c'est savoir causer. Au royaume des aveugles, un télescope dans chaque œil. Nos anges gardiens ont des gilets pare-balles, oui ma gueule. Le business musical a une coucou, je suis un piano à queue. Mes coups de rein sont hors concours, j'oublie mes soucis. À bombe des textes, les soucis, que ça faucille d'en trouver les sosies. Même si tu pisses assise, qui va tuer raflé. On a fait le tour du sillon, 80 flots. Et même à part semer la sueur, la vie ne fait pas de fleurs. Dans l'urgence, j't'écris sur la gueule s'il y a pas de feuilles. Et des cieux, il pleut des chrysanthèmes, mais qu'ils reviennent. S'en est fallu peu. Imagine le carnage, tonnerre de Dieu. Imagine mage, fumant la beuh. Ma scolarité arrêtée pour homicide au mic de raté. Un prof s'était hâté à me traiter. Puis ce dernier m'a perçu sur instru et s'enfonce à montagne. Un gros doigt dans le cul. Le monde est ainsi fait. Hier te fait pitié, demain te coupe le sifflet. Appelle la chienne mon inspiration, après la scène. J'sème des poussières de MCs à Père-Lachaise. Tu vas y aller, rien ne sert de chialer. Beaucoup ils font la queue, s'ils rentrent sans brailler. Ici on fait pas comme si, on t'offre un aller simple pour le cimetière des MC. Poussière de MC. Poussière de MC. Poussière de MC. Fallait pas, non fallait pas, teste les faits pas. Poussière de MC. Poussière de MC. Poussière de MC. Fallait pas, non fallait pas, teste les faits pas.